tête froide brille sur moi. Elle restera toujours après tant de jours de tristesse et d'effroi. Une étoile brille sur moi. Elle restera toujours après tant de jours obscurs et froids. Si seulement.